Veux-tu vraiment me quitter? Me quitter aujourd'hui? Veux-tu vraiment me quitter? Me quitter pour lui? Et nous sommes en plein été, et il n'y a pas assez de pluie pour te dire toute la peine que j'ai aujourd'hui. Veux-tu vraiment me quitter? Me quitter aujourd'hui? Quand je pense qu'il était mon meilleur ami, et nous sommes en plein été, et il n'y a pas assez de pluie pour te dire toute la peine que j'ai aujourd'hui. Veux-tu vraiment me quitter? Me quitter?